franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec Libération, nous vous proposons de réécouter l'histoire, sans fin d'ailleurs, des migrants de Calaisie. Autrement dit, de l'ouverture du hangar de Sangatte en 1999 à la destruction en 2009 de la jungle, comme on l'appelle. Sangatte, c'est le nom d'une ville balnéaire près de Calais. Mais depuis 1999, ce nom a échappé à la ville. Désormais, lorsqu'on l'entend, on pense à ces réfugiés errant dans la rue et sur la côte de la Manche, rêvant d'Angleterre. Revenir sur l'histoire des migrants du Calaisis, c'est se plonger dans un refrain qui semble se répéter chaque année. En 10 ans, le détroit du Pas-de-Calais, devenu l'une des scènes nationales de la lutte contre l'immigration clandestine, utilisé aussi comme décor pour de la communication politique dont les ministres hésitent pourtant à fouler les terres. Ces plages de la Manche sont aussi le reflet d'un échec de l'Europe qui a du mal en ce début de siècle à assumer son rôle de terre d'immigration. Les derniers événements tragiques dans la Méditerranée nous en rappellent les conséquences dramatiques. Il a fallu que le corps d'un enfant soit retrouvé sur une plage en Turquie le 3 septembre pour que le regard des citoyens européens et des dirigeants sur l'immigration change. Un peu. Car l'émotion passée, plusieurs pays ont fermé leurs frontières aux migrants hier. En particulier la Hongrie qui a ressorti les barbelés comme si elle n'avait pas eu elle-même à en subir les conséquences pendant un demi-siècle. Étrange symbole. Dans la ville de Sangatte et dans le Calaisis se joue l'histoire de cette Europe et de cette France qui hésite entre mesures humanitaires et sécuritaires, entre accueil et rejet. C'est l'histoire de tous ces réfugiés pris dans la nasse de nos contradictions. En seconde partie, nous recevrons Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Vous entendrez également un extrait de l'interview réalisée en mai dernier avec Aïdé Sapéran, journaliste correspondante à Libération dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est l'auteur du livre « Ceux qui passent » où elle raconte le quotidien vécu par les migrants et les Calaisiens de 1999 à 2012. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupuy-Henquin et Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, Koyen Guyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Printemps 2015, Calais. Le long de la départementale, sur les bords de route sans pelouse où les pas ont marqué les bas-côtés, des silhouettes marchent, en petits groupes. Ce sont des migrants, demandeurs d'asile, afghans, iraniens, érythréens, pakistanais. Venus de la Méditerranée ou par la route des montagnes de Turquie ou par les trains de nuit d'Italie et de France, ils passent quelques semaines ou des mois sur les côtes de la Manche à chercher le chemin vers l'Angleterre. La nuit tombée, ils tentent leur chance par les rails, le bateau ou les camions. Printemps 2015, sans flash ni caméra, à Calais, on vide le centre-ville de ces demandeurs d'asile. Car à 7 km de là, les pouvoirs publics ont ouvert un centre d'accueil de jour. À l'abri de la ville, à l'abri des regards, ils reconstruisent sur un terrain marécageux de 18 hectares des cabanes constituées de palettes de bois, de quelques mètres de bâches, de ficelles et de cartons. Sur ce nouveau lieu, il n'y a ni accueil, ni douche, ni point d'eau. Ces migrants n'ont pas de bagages, juste un sac avec quelques papiers, des souvenirs du pays qu'ils ont dû quitter. Le reste de leur vie est sur leur dos, sous les multiples couches de vêtements et dans leur tête. Autour de ce bidonville qui ne dit pas son nom, les CRS ont pris place pour les surveiller et éviter les bagarres. Les autorités tolèrent leur présence. Le reste de la troupe poursuit les contrôles et la traque dans les rues de la ville. À Calais, ce terrain vague porte le nom de « Sangatte sans toit ». 12 ans après sa fermeture, le centre de Sangatte est encore dans toutes les têtes. Pour les migrants et dans la rumeur qui accompagne leur odyssée, elle est synonyme de la dernière étape, celle de la porte vers l'Angleterre. Pour les hommes politiques et les ministres de l'Intérieur, elle est le dossier sensible dont ils héritent et pour lequel ils hésitent à suivre les chemins de leurs prédécesseurs. Alors quand les naufragés de guerre demandent l'asile à l'Europe dans les bureaux de la place Beauvau, le souvenir de Sangatte ressurgit. C'était le cas en août 2014 avec l'actuel ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je ne veux pas de la reconstitution de Sangatte à Calais, je ne veux pas d'un nouveau Sangatte à Calais. Pourquoi ? Parce que la situation de Sangatte, c'était le désastre humanitaire, l'appel d'air pour les migrants et troisièmement, surtout, un extraordinaire terrain de cynisme et d'intervention. D'accord, mais pour les soyons passeurs. Soyons donc, précis, je ne veux pas de cela. Très bien, très bien. Je veux donc des solutions humaines, et c'est la raison pour laquelle j'ai confié une mission à des hauts fonctionnaires pour travailler avec les associations humanitaires et apporter des solutions humanitaires sur place. Quelques semaines plus tard, le ministre change son fusil d'épaule et annonce la création, pour le début de l'année 2015, d'un centre d'accueil de migrants ouvert seulement 2 jours. Pour la nuit, c'est ce terrain vague qui est mis à disposition par les autorités. Retour sur l'histoire sans fin de ces chercheurs d'asile qui débuta à la fin du XXe siècle. Juin 1999, Parc Saint-Pierre, Calais. Comme souvent dans cette ville, c'est en entendant des langues étrangères que l'on perçoit au loin l'écho d'une guerre qui frappe un pays. En cette année 1999, c'est au Kosovo que des hommes et des femmes fuient l'avancée des troupes serbes. N'ayant ni toit ni loi qui les protège, ils décident de s'installer dans le Parc Saint-Pierre, situé en face de l'hôtel de ville. Sur la pelouse, des dizaines de familles dorment à même le sol tapissé de couvertures. Quelques bâches ont été installées en cas d'averse. Cet été-là, sous ces tentes de fortune, des familles espèrent un départ pour l'Angleterre, comme l'explique Véronique Bizanclo, responsable d'une association qui les soutient, au micro de France Inter. C'est clair pour tout le monde, hein, que s'ils ont traversé la France, ils sont intéressés par une vie en Angleterre où les conditions de vie pour les réfugiés sont meilleures. Trouver un logement pour une nuit, pour un demandeur d'asile en France, c'est le parcours du combattant. En Angleterre, ça se fait très naturellement avec des services sociaux professionnels. Il y a tout de suite un appartement où les personnes sont autonomes. C'est bien différent de nos foyers qui sont très difficiles d'accès et qui sont toujours saturés. Nous, en tant qu'humanitaires, on est là pour essayer de leur apporter un peu de nourriture s'ils en manquent. Éventuellement un hébergement s'ils en ont besoin. Face à la situation de détresse, le gouvernement de Lionel Jospin décide d'ouvrir un lieu d'accueil d'urgence humanitaire. Il réquisitionne un hangar de 25 000 mètres carrés qui appartient à la société Eurotunnel, située à un peu moins de 10 km de Calais. Ce hangar surplombe la station balnéaire d'une petite ville de la Côte d'Opale, Sangatte. C'est la Croix-Rouge qui la prend en charge. Lorsque le temps est clair, on voit au loin les falaises anglaises. En cet automne 1999, seule la presse régionale s'intéresse à ce bâtiment immense, tout de gris revêtu, qui accueille quelques dizaines de familles. Mais un drame va mettre Sangatte et la situation des migrants à la une de l'information nationale. Le 18 juin 2000, on découvre en effet sur les quais de Douvres, en Angleterre, les corps de 54 hommes et de 4 femmes, migrants d'origine chinoise, dans une remorque d'un camion arrivé de Zeebrugge, en Belgique. Ils sont morts d'étouffement. Sur les plateaux et dans les journaux, on redécouvre alors que la Manche est parfois une frontière meurtrière. À Sangatte aussi, on risque coûte que coûte de prendre un camion de façon plus ou moins folle. La technique la plus répandue consiste à entrer discrètement dans la remorque. Certains profitent d'un arrêt sur une aire d'autoroute voisine pour se faufiler, d'autres connaissent les lieux de ralentissement des camions près du port. Vous avez peut-être déjà vu les images de ces semi-remorques qui ralentissent devant un passage à niveau ou avant un rond-point, et de ces hommes et de ces femmes qui surgissent, puis disparaissent sous une bâche ou sous le camion, cachés au-dessus des essieux. Si ce n'est pas par la route, c'est par le rail qu'ils tentent le coup. C'est le cas de ce jeune Afghan de 18 ans qui l'explique au micro de France Inter le 11 septembre 2001. Ce soir, c'est sa 26e tentative. Nous devons attraper le train. Nous attaquons le train. Si nous l'attrapons, nous allons à Londres. Sinon, nous tombons par terre et nous pouvons perdre nos mains, nos jambes. Nous devons y aller et construire notre avenir. Nous sommes aussi des êtres humains. J'ai peur, c'est vrai que j'ai peur. Mais si je perds ma main, je préfère cela que de voir mourir ma famille et mon frère en Afghanistan. Parce que même si je perds ma main et que j'arrive à Londres, je pourrais quand même aller travailler. Vous savez qu'il y a une guerre qui dure depuis 25 ans en Afghanistan. Chaque soir, un défilé de silhouettes, sacs sur le dos, prend la même route dans la nuit du Calaisie. Il marche en file indienne à travers champs, puis traverse l'autoroute en courant, frôlant les barbelés, ils cherchent les endroits où ils sont coupés, leur offrant une brèche ou se faufiler. Ils évitent ensuite les chiens, les vigiles, puis ils attendent, tapis dans un fossé, cachés dans une canalisation, un train qui démarre lentement pour s'y accrocher. De son côté, la société Eurotunnel augmente le nombre de vigiles et renforce ses clôtures de barbelés, ainsi que son système de vidéosurveillance. Mais rien n'y fait. Les passages sont plus compliqués, mais les migrants n'abandonnent pas. Ils ont traversé des milliers de kilomètres, souvent dans des conditions dangereuses. Alors ce ne sont pas quelques barbelés, quelques chiens qui vont entamer leur détermination. En septembre 2001, l'entreprise Eurotunnel décide de porter plainte contre l'État. De l'autre côté de la Manche aussi, le centre de Sangatte remplit les colonnes des journaux comme l'esprit des parlementaires britanniques. 2 ans après son ouverture, il devient ouvertement un dossier sensible. À chaque problème sur les bords de la Manche, les migrants sont mis en cause. La même question est à chaque fois posée. Face à l'augmentation de leur nombre dans le centre de Sangatte, faut-il le fermer ou en ouvrir un autre? Pour Marc Gentilini, président de la Croix-Rouge française, le centre de Sangatte n'est pas la source du problème. Oui, il y a 2 ans que le problème existe, il y a 2 ans qu'il n'y a pas de solution, il y a 2 ans que ces gens veulent gagner l'Angleterre, et il y a eu beaucoup de retard à la prise en considération de ce drame. Nous avons en charge l'hébergement, le ravitaillement, la prise en compte de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui se trouvent à Sangatte et dans les environs, et c'est un véritable drame. Ça veut dire que les mêmes scènes vont se reproduire demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois? Personne ne bouge. Pourquoi voulez-vous que la situation évolue? C'est dramatique. Je crois que fermer Sangatte est aussi stupide que de dire il faut fermer le tunnel. C'est le tunnel qui pose un problème. C'est pas le centre de Sangatte. S'il y a un centre ouvert par les pouvoirs publics à Sangatte, c'est que il y avait plus de 1000 personnes qui erraient dans les rues de Calais ou de Sangatte, et qui, pour lesquels il fallait faire quelque chose. Je ne me vois pas, en tant que président de la Croix-Rouge française, décider la fermeture du centre de Sangatte et de mettre 1200 personnes dans le froid du Nord, en dehors de ce hangar, qui est pourtant un accueil précaire, et faire qu'il y ait une situation encore plus aiguë que celle qui existe actuellement. À Sangatte, après 2 ans de vie commune, le centre est source de débats et de tensions. Si certains s'organisent pour leur venir en aide, d'autres habitants de cette petite ville et de ses environs ne comprennent pas ces personnes qui traversent leurs rues et leurs routes. Emportés par le sentiment d'insécurité entretenu par les conversations et les programmes de la présidentielle de 2002, ils réclament eux aussi la fermeture du centre. Au sein du gouvernement, 2 écoles s'opposent. Celle de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Elisabeth Guigou, qui propose l'ouverture de nouveaux centres, et celle de Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, qui estime cette proposition incongrue. Sangatte, la question de l'immigration et du droit d'asile devient alors un enjeu électoral majeur, voire obsessionnel. À gauche, Noël Mamère ou Christiane Taubira y font escale et réclament de nouveaux moyens. Quant à droite, Alain Madelin, candidat de démocratie libérale par exemple, réclame le renforcement des mesures de sécurité. Jacques Chirac est réélu, il obtient la majorité à l'Assemblée. Le dossier Sangatte passe désormais entre les mains de sa famille politique. Dans ce nouveau gouvernement, c'est Nicolas Sarkozy qui est nommé ministre de l'Intérieur. Et c'est tout naturellement à Sangatte que le nouveau ministre organise l'un de ses premiers déplacements. Le 23 mai, il débarque en hélicoptère pour rencontrer les élus locaux et les habitants de la région. Lors de sa conférence de presse, il annonce une augmentation des forces de police dans tous les secteurs et promet une avancée sur le dossier du hangar dans les semaines qui suivent. En juin, c'est à Londres que l'on retrouve le locataire de la place Beauvau auprès de son homologue britannique David Blunkett. Et le 26 septembre 2002, c'est côte à côte, accompagné du ministre afghan des réfugiés, qu'ils marchent dans les rues de la cité balnéaire de Sangatte. Ensemble, ils annoncent la fermeture prochaine du centre et une réforme du droit d'asile britannique. Dans la rue, le ministre est interpellé par une habitante qui s'interroge. Que vont devenir les migrants? Où vont-ils partir? Juste, je vous demande 2 minutes pour pouvoir passer. Je voudrais voir les habitants. Bonjour. Nous, les Sangatois, on est quand même des êtres humains. Ce sont des êtres humains. On a mal au cœur pour ces gens. On ne sait pas quoi faire. Bien. Mais la solution, je vous l'ai donnée. La solution, elle est là. Elle n'est pas de rester à Sangatte. Non. Les habitants, chez eux. Chez eux, certes. Mais est-ce que la situation en Afghanistan en septembre 2002 est meilleure qu'en 2001, avant les attentats et la guerre des forces de coalition contre le régime taliban? Un mois plus tard, sur le plateau de complément d'enquête, Nicolas Sarkozy réaffirme sa position et explique en détail le plan de départ volontaire imaginé par le gouvernement. Alors, naturellement, il ne s'agit pas de fermer Sangatte pour les retrouver dans les rues. Il s'agit de poser les bases d'une politique alternative pour que ce qui a créé Sangatte soit résolu. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire en 5 mois? D'abord, convaincre les Anglais qu'il fallait changer leur loi sur l'immigration. Parce que quand un demandeur d'asile politique arrivait en Angleterre, il avait immédiatement le droit au travail. Et c'est ce qui a tiré vers l'Angleterre, par localisie, Kurdes et Afghans. Deuxièmement, on essaye de démanteler les filières de passeurs. Pas les passeurs, monsieur Duquesne. Les passeurs, on en a arrêté des centaines. Mais ceux qui sont derrière. Nous savons qu'il y a 5 clans, 4 sont aujourd'hui parfaitement démantelés. Bon. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui s'y trouvent? Il y a tous ceux dont nous souhaitons qu'ils retournent chez eux, parce que chez eux, ils en ont besoin. Ça, c'est le cas des Afghans, et on parce va les inciter à le faire. C'est l'HR qui va maintenant prendre en charge le camp en ce qui se concerne, effectivement, le recensement des personnes qui s'y trouvent. Il y a une étude qui a été faite qui montre que dans le camp, ceux qui s'y trouvent sont des gens qui ont un niveau d'études supérieur à ce qui se passe dans leur pays. Donc j'ai signé un protocole d'accord avec le gouvernement afghan. Chaque Afghan qui voudra revenir en Afghanistan sur la base du volontariat recevra 2000 euros par personne, 500 euros par mineur. On les attend à Kaboul. Il y a déjà une dizaine de volontaires. Et ça sera ouvert jusqu'à la sortie de l'hiver. Sauf qu'ils seront très peu à accepter. De toute façon, ces 2000 euros ne représentent pas grand-chose, hein, quand on sait qu'un voyage moyen coûte entre 5000 et 10 000 dollars, alors. L'idée produit néanmoins son effet dans les médias. Le ministre marque son territoire et traîne ses slogans contre l'immigration. Et en plein hiver, le 5 novembre 2002, le hangar de Sangatte est fermé, définitivement. Il est détruit quelques semaines plus tard pour renforcer par l'image l'impact de cette fermeture. Parmi les migrants présents, 1300 sont accueillis en Angleterre, 200 invités à demander l'asile en France. Jack Lang, député du PS du Pas-de-Calais, tire son chapeau au nouveau ministre pour sa méthode et ses choix. À droite comme à gauche, on espère le dossier Sangatte refermé. The trees that we do not climb, bridges we cross in our minds. Who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, over her head clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies? Quelques semaines plus tard, à Calais, quai de la gendarmerie, malgré les promesses du ministre de l'Intérieur, c'est dispersé dans la rue, les parcs de la ville portuaire, que l'on retrouve désormais les migrants et demandeurs d'asile. L'État limite son intervention à l'action sécuritaire, par les traques, les brimades, les intimidations. Des associations, des organisations humanitaires et des particuliers prennent le relais de l'accueil des migrants. Chaque midi, c'est ici, sur ce quai, qu'ils distribuent le repas. Parmi ceux qui font la queue pour avoir un peu à manger, un homme est assis près de la cabine de chantier grise. Il se confie à la caméra du réalisateur Grégory Laville dans son documentaire intitulé « Calais, ville d'errance ». No water, no... Sans boire, dinner, no lunch, no... ni manger. Came to France, this life. J'arrive en France et voilà ma vie. My life is no good. Ma vie n'est pas belle. Now happy. Je ne suis pas heureux. All my life. Ma vie est dure. Very hard. Très dure. Four language I'm teacher. J'enseigne quatre langues. Afghan, Farsi. L'afghan, le Farsi, l'ourdou et le Punjabi. Why teacher's life? Est-ce la vie d'un professeur? Too hard my life. Ma vie est trop dure. Pour quitter son pays, prendre la route, trouver un passeur, il faut de l'argent. C'est après que la misère accompagne les pas de ces migrants qui ont abandonné bien plus qu'un territoire. Dans le Calaisie, la vie est difficile et dangereuse. Le camp de Sangatte n'est plus, les migrants vivent sans toit. Regroupés par communauté, ils errent et cherchent de lieux où ils pourront se protéger des intempéries, des policiers et des infortunes de la vie d'un réfugié. Certains se protègent dans de grandes poubelles vertes, en fermant juste le couvercle. D'autres se blottissent avec des cartons dans des tonneaux coupés en deux. Les friches et les immeubles désaffectés deviennent pour un temps le lieu des Afghans, des Érythréens, des Kurdes, des Somaliens. À Calais, ces interstices se vident et se remplissent au rythme des fracas et des guerres qui embrasent le monde. L'un de ces lieux prend de plus en plus d'importance en 2004. Des Afghans commencent à installer des abris dans le bois des Garennes, au bout des terminaux portuaires. Le bois et ses alentours deviennent alors très vite des campements éphémères, composés de tentes et d'abris constitués de quelques planches, quelques bâches. On l'appelle là-bas la jungle. À Calais, ces années-là, on apprend à vivre quotidiennement avec les sirènes des gardes de CRS à la recherche des migrants dans les parcs et les squats. Les migrants, eux, apprennent à vivre avec cette répression, cette tension constante. Alors ils font le guet, se frayent un chemin dans la ville et les bois, à courir toujours plus vite, toujours plus loin. À plusieurs reprises, ces camps de fortune sont détruits par les autorités. À chaque fois, témoins et forces de l'ordre en arrivent au même constat. Tout cela ne sert à rien. Alors, de nouvelles cabanes seront construites, puis détruites. C'est bien fait? Ouais, c'est bien fait. C'est bien, c'est bien. Mais on fait ça pour rien. Pourquoi vous pensez que vous faites ça pour rien? Les gars, ils reviennent après. C'est pas la première fois, madame. Ça fait la deuxième fois, déjà. C'est très bien. Il faut trouver une maison pour eux ou un truc comme ça. Ah, c'est des êtres humains quand même, c'est pas des cochons. C'est ainsi, c'est la loi des jungles de Calais, celle qu'on inflige aux indésirables, à ces invisibles qu'on cherche à chasser de nos villes. Durant ces années, rien n'évolue pour subvenir à ces réfugiés, si ce n'est les techniques pour les contrôler. En 2003, par exemple, est mis en place le premier fichier biométrique international Eurodac, qui centralise les empreintes des étrangers interpellés lors d'un franchissement irrégulier de frontières. En 2007, le règlement dit Dublin 2 est mis en application. Celui-là, il est fondé autour d'un seul principe. Pour chaque réfugié, une seule demande d'asile dans un seul pays d'Europe. L'examen de la demande ne peut s'effectuer que dans le pays européen où le migrant a été repéré et fiché la première fois. Surveiller et punir, telle est la doctrine. Les mains des migrants sont devenues des armes dirigées contre eux. De ces mains, ils ne peuvent se débarrasser, bien sûr, comme l'explique ce migrant à la caméra de Sylvain Georges dans son documentaire intitulé « Qu'il repose en révolte ». Si c'était possible de couper cette main, de l'enlever et d'en placer une autre, je le ferais. Mais ce n'est pas possible. Juste brûler mes mains. Je ne sais pas ce qui va advenir de mes mains. Ils font de nous des esclaves de leur pays. Avec ces empreintes digitales, ils détruisent nos vies. On ne peut pas bouger. On ne peut pas transformer nos vies. Alors, pour ne pas être esclaves dans leur pays, en cas de retour forcé, ils se mutilent les doigts à l'aide d'un rasoir. Grâce à la lame, ils sculptent et raturent leurs doigts. Puis, autour d'un feu, ils plongent un bout de fer, ils se brûlent les doigts pour que les empreintes deviennent lisibles. Pour quelques jours, ils ne sont plus personne, ils sont des ombres sans nom, sans identité. Dans les jungles et les squats, lors de la distribution des repas à Calais, c'est une histoire sans fin qui se répète. Campements éphémères et répression sommaire. Avec Sangatte, ils avaient un toit, un lieu pour prendre une douche, manger à l'abri, soigner leurs plaies. Désormais, c'est dans la brume et le froid des dunes et des bois que les migrants cherchent un refuge. Parfois, ce sont les portes de Calaisiens qui s'ouvrent, comme celle de Mireille. Eh bien, c'est parce que ça fait déjà 6 ans que je fais. Hein, je l'ai fait avec des Kosovo quand il y avait la guerre en Kosovo. Après, je l'ai fait quand Sangatte, il y avait Sangatte que c'était ouvert. Donc, j'en prenais aussi, là. Moi, j'ai des médicaments par là. Je leur donne des médicaments pour la douleur. Je leur fais des pansements s'ils sont un petit peu blessés. Et puis, ils passent une nuit au chaud. Et quand ils s'en vont le lendemain matin, eh ben, ils sont bien. Ils sont bien. Ils ont bien dormi. Je m'en vais à 8h30. Je prends 3-4 baguettes. Ça va pas me ruiner, monsieur. Je prends 3-4 baguettes. Je reviens ici. Je mets les baguettes sur la table. Je mets du chocolat, de la confiture. Ils mangent la baguette et vers 10h, ils s'en vont dire bonjour à leurs copains sur le terrain. Et tous les soirs, ils reviennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le week-end, qu'il n'y a pas de camion. Hein, et eux, le camion, bah, ils se renvont le dimanche après-midi. Voilà. Ils me disent merci, thank you very much. Ah ouais, c'est des gamins super, quoi. C'est des enfants. Ah ouais, hein. Ça va. Il est interdit de venir en aide aux sans-papiers. Ben oui, mais je vous comprends très bien, monsieur. Mais quand vous voyez un jeune garçon de 16 ans sur le terrain, en ce moment, avec les mains gelées, les pieds gelés, ou avec une fracture, et puis qu'il hurle dans l'herbe... Écoutez, monsieur, j'ai mes propres yeux pour regarder, hein, je suis là tous les jours. Et puis qu'il hurle dans l'herbe parce qu'il a des douleurs. Est-ce qu'on est humain pour laisser un petit garçon comme ça sur le trottoir, ou est-ce qu'on va lui dire bah, « j'ai de la place et viens se réchauffer chez moi ». Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai dit « non, je ne peux pas, je ne peux pas laisser comme ça, je ne peux pas, il faut qu'il vienne chez moi ». Et je les ai ramenés, et de fil en aiguille, bah, c'est d'eux-mêmes qui disent « va chez mamie », et puis voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de mal de les aider ? Après tout, je suis d'accord, c'est pas notre devoir de les aider, c'est plutôt carrément au gouvernement de les aider. S'ils veulent pas les aider... Ben nous, on les aide, hein, parce que c'est quand même des êtres humains, monsieur. Prénom Mireille, nom Cœur, gros comme ça. Pourtant, aider un migrant est puni par la loi. Comme ce fut le cas pour Monique Pouille, parce qu'elle rechargeait des téléphones portables. En février 2009, elle est arrêtée au petit matin, puis interrogée pendant de longues heures. À Calais et ailleurs, ces années-là, il est interdit de dire « welcome », comme le titre du film de Philippe Lioret, qui fait connaître cette possibilité ubuesque d'être arrêté, menacé, pour cause d'humanité. En 2007, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui avait pourtant annoncé au lendemain de la fermeture de Sangatte que le problème des exilés serait réglé, est élu président. Ses successeurs marchent dans ses pas. Chacun à leur tour, ils promettent l'envoi de nouvelles forces de l'ordre, le démantèlement des filières des passeurs et la fin des campements. C'est le cas du socialo-sarkozyste Éric Besson. Le 26 janvier 2009, le tout nouveau ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale est à Calais. Il promet de rendre la ville étanche et réaffirme qu'il n'y aura pas de nouveaux Sangatte. Le 23 avril 2009, il annonce la fermeture de la jungle devant caméras et journalistes. La loi de la jungle, c'est la loi des passeurs. Et la République ne saurait accepter l'existence de ce véritable village clandestin. J'ai demandé au préfet de mobiliser l'ensemble des services locaux de l'État afin de reconquérir ces zones de non-droit. Et le 17 septembre 2009, pendant que le ministre répond à une interview sur les antennes de RTL, l'opération Jungle est lancée. Peu après cette heure, les quarts de CRS encerclent le terrain, accompagnés par les caméras et les micros. Les migrants qui sont restés et qui acceptent l'arrivée des CRS se placent derrière des banderoles rédigées en anglais et en pachtoune, où l'on peut lire « Nous avons besoin d'un abri et de protection, nous voulons l'asile et la paix, la jungle est notre maison ». En direct, sur les chaînes d'infos en France et en Grande-Bretagne, les forces de l'ordre embarquent les migrants. Ils séparent les mineurs des majeurs, puis arrêtent tout le monde. Le spectacle se poursuit avec les bulldozers qui rasent les cabanes. Le 23 septembre, Éric Besson est sur place. 7 ans après Nicolas Sarkozy, il débarque en hélicoptère et lors d'une conférence de presse, aligne les mêmes mots. Ici, c'est Calais. Ici, c'est la France. Ici, ce n'est pas Kaboul. Ici, c'est la loi de la République qui s'applique. Nous devons traiter dignement les étrangers en situation irrégulière. Mais c'est la loi de la France et la loi de la République qui va s'appliquer ici à Calais. Dans les jours qui suivent, de nouvelles jungles, de nouveaux squats s'ouvrent. Les migrants errent dans les rues, mangent, se lavent, dorment à ciel ouvert. Ces décharges, comme le décrit le ministre, ne sont que le résultat du manque d'accueil de ces réfugiés. À la suite de l'opération médiatique de 2009, comme si l'histoire se répétait, les camps des migrants s'éparpillent un peu plus. Désormais, c'est des côtes bretonnes de Roscoff jusqu'aux plages belges que fleurissent ces camps de fortune, au milieu des dunes, dans le fossé d'un champ ou dans les squats des villes. 12 ans après la fermeture de Sangatte, à Calais, des silhouettes prennent toujours la route du port ou du tunnel sous la Manche. À braver la nuit, au risque de leur vie, ils tentent de s'accrocher à un train ou se faufiler entre les essieux d'un camion. Le 5 mai 2014, c'est par la mer que l'un d'entre eux tente sa chance. À genoux sur un simple radeau construit de 6 planches de bois, 3 pour le cadre, 3 pour le mât, d'un drap blanc comme voile et d'un bloc de polystyrène comme flotteur, sur ce frêle esquif, il a pris la mer. Repêché sain et sauf au large des plages de Sangatte, il déclare « Je naviguais vers mon espoir ». Il s'appelle Assef Hussein Khalil. Il a 33 ans, il est afghan. Où est-il désormais? Est-il passé de l'autre côté? Ou a-t-il ajouté son nom à la liste de ceux qui sont tombés à Calais en plein cœur de l'Europe pour avoir rêvé d'une autre vie? Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, c'est Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre journal partenaire. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors nous allons examiner ensemble les résonances si fortes aujourd'hui de cette affaire Sangatte, c'est la crise migratoire que connaît l'Europe, et dont on peut dire que Sangatte est depuis 16 ans une illustration en France, une illustration forte. Mais un mot tout de même de Sangatte, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous frappe du récit que vous avez entendu, et affaire que vous avez couverte dans les journaux dans lesquels vous avez écrit, que vous avez dirigé très largement. Bah, écoutez, c'est émouvant, notamment cette dame-là qui s'appelle Mireille, extraordinaire, qui a une générosité, une solidarité naturelle, comme ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, vous vous dites, ceux qui vous racontent qu'il y a une solution simple à la question de l'immigration sont des escrocs, dans les deux sens. Il y a ceux qui vous disent, il n'y a qu'à tout fermer. On l'a entendu d'ailleurs. Ouais. Mais alors, il ne faut plus qu'ils viennent. Ils ne viendront plus, ils rentrent chez eux. Solution simpliste. Solution simple. Hein, simpliste même. Mais la solution simple, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la Hongrie. Si vous voulez empêcher les gens qui sont désespérés d'entrer en Europe ou d'entrer en France, il faut déployer des fils de fer barbelés tout le long de la frontière, mettre des chiens policiers, des miradors, et empêcher l'entrée. C'est ça, c'est ce qu'on fait. En Hongrie. Est-ce qu'on veut la politique hongroise? Je crois que c'est contraire à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on croit, et c'est contraire à l'esprit même de nos institutions et de notre constitution. Donc c'est une politique qui en fait n'existe pas. Ou si elle existe, elle va heurter la moitié de la population française, au moins, par sa brutalité et par son inhumanité. Donc c'est ceux qui disent ça, ce sont des escrocs politiques. Mais il y a aussi ceux qui disent, mais c'est pas simple pour lui, il n'y a qu'à tous les prendre. Il n'y a aucun problème, allons-y. Emmanuel Cos, par exemple, qui est président ou secrétaire général du Parti écologiste, dit, on les prend tous, mais on voit bien ce que ça donne, les prend tous. Les Verts ont toujours milité pour l'accueil de tous les sans-papiers, de tous les réfugiés. Comment voulez-vous faire, sur la base que la plupart des gens qui fuient leur pays ne fuient pas par plaisir, mais une nécessité terrible. Ils sont menacés dans leur pays. Oui, alors prenons l'exemple de Sangatte. Ouais. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez construire un centre. C'est mieux d'avoir un centre. On dit, il y a un camp, c'est horrible, il y a un camp, hein, c'est beaucoup mieux. Au moins, ils peuvent vivre dans des conditions à peu près dignes, au lieu d'être dans la rue, ou dans la boue, ou dans les tentes dans le froid, de fortune, sur la plage, dans le froid. On fait un centre. Et une fois que ce centre existe, ça se sait. Et donc il y en a plus qui viennent. Alors vous faites quoi? Un deuxième centre. Là. Puis après, vous en faites un troisième. Mais les gens de Sangatte, vous leur imposez finalement une transformation totale de leur ville, qui devient une ville de réfugiés. Voilà. Et vous payez. Aucun pays au monde ne fait ça. Aucun. Le plus libéral du monde, le plus ouvert, aucun ne fait ça. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts, il y en a qui sont plus ou moins répressifs, mais aucun ne dit, tout le monde vient. Ça n'existe pas. Et c'est pas un hasard, c'est parce que les gens sont inhumains, c'est parce que c'est ingérable. Ouais. Les Verts, ils devraient réfléchir un peu. D'ailleurs, quand ils étaient au pouvoir, les Verts, ils étaient au gouvernement. Il y avait quand même 35 000 reconduites de la frontière tous les ans. Oui, enfin, ils n'avaient pas les rênes du pouvoir. Hein. Ils étaient associés au pouvoir. Si c'était si immoral que ça, ils auraient dû se rouler par terre. Oui, ils auraient pu, oui. Ou démissionner sur ce sujet-là. Ils n'ont pas démissionné sur ce sujet-là, pas du tout. Ils sont restés plusieurs années au pouvoir. Donc, ceux qui nous racontent qu'il suffit d'ouvrir et d'accueillir, on peut accueillir, mais dans la proportion des capacités d'accueil. Autrement, on raconte n'importe quoi. Regardez ce qui s'est passé pour l'Allemagne. Là, c'est l'actualité. L'Allemagne dit, on va les prendre. On va en prendre. Il y en a 800 000, etc. Bon, le chiffre a peut-être été lâché de manière un peu imprudente, d'ailleurs. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils disent, 800 000, on y va. Bon, et puis, ils font ça pendant des semaines. Et puis, au bout du bout, il y en a 10 000 qui arrivent une journée, et puis 15 000 le lendemain. Alors, les autorités allemandes qui ont été très courageuses dans cette affaire, politiquement, parce que c'est pas forcément populaire de faire ça. Hein. Elles ont dit, mais on peut plus, là. 15 000 par jour, là, c'est pas possible. Et c'est pas impossible. Donc on arrête de nous raconter que c'est possible. Ce sont des gens d'ailleurs qui proposent une politique dont eux-mêmes ne subiront aucune conséquence. C'est pas eux qui vont les accueillir. Hein. Ils vont aller dans les cités. Ils vont aller remplir des habitats difficiles parce que c'est moins cher. C'est pour cette raison-là. Et puis ils auront beaucoup de mal à trouver un travail, surtout en France. D'ailleurs, l'histoire de Sangatte n'est pas un hommage à la France. Mais pourquoi les gens vont en Angleterre? C'est parce qu'il y a du travail. S'il avait du travail en France, il resterait en France. À ce propos, certaines mauvaises langues, ou peut-être lucides, je ne sais pas, disent que si l'Allemagne a dit « Allez, on en prend 800 000 sur un an », c'est sous la pression du patronat allemand qui a besoin de main-d'œuvre. Alors, je ne sais pas cet argument. Écoutez, il y a eu des études très savantes qui ont été faites sur l'effet de la migration sur les salaires, justement. Parce que les gens disent, les patronats, ils veulent qu'il y ait des immigrés, ça fait baisser les salaires. Bien sûr. Bon, il y a des études américaines, vous regardez le dossier, moi j'ai regardé le dossier une fois. Il y a eu plein d'études extrêmement sérieuses faites par les universités américaines, notamment sur la migration aux États-Unis, où elle était à un moment beaucoup plus libre qu'en Europe. Hein. Les États-Unis, c'est un pays en partie latino maintenant. Ils en ont pris plein. Est-ce que ça a fait baisser les salaires? Très peu. En fait, très peu, parce qu'il y a des cliquets à la baisse. Il y a une tradition de pas trop sous-payer les gens. Et puis, il y a des salaires minimums ou l'équivalent dans beaucoup d'endroits. Donc, les salaires ne baissent pas tellement. Alors, il est probable que ces études ne prennent pas en compte le travail au noir. C'est-à-dire que dans le travail au noir, évidemment, on ne vérifie rien. Donc, ça se trouve, les salaires sont très bas. Mais je ne pense pas que ce soit la politique du patronat que de multiplier les occasions de travail au noir. C'est quand même illégal. Une entreprise qui a pignon sur rue, elle ne peut pas non plus faire du travail illégal à tire-larigot. Donc, la position du MEDEF, ça consiste à dire sur le long terme, la démographie faible est un handicap économique, et donc s'il y a des migrants qui viennent remplacer les bébés que nous ne faisons pas, finalement... Et ça, c'est typiquement pour l'Allemagne aussi, l'Allemagne, qui a un problème de natalité. Ça. Mais c'est pas le calcul cynique du patron exploiteur qui dit, comme ça, je vais pouvoir exploiter mes ouvriers. Je crois pas que ce soit vrai, ça. Alors, Laurent, on va continuer à parler de cette actualité des flux migratoires, de cette crise, on peut le dire, migratoire. On va revenir juste un peu sur Sangatte, que connaît si bien Aidé Sabéran, journaliste, correspondante à Libération dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est l'auteur du livre « Ceux qui passent », intitulé « Ceux qui passent », où elle raconte le quotidien vécu par des migrants et des Calaisiens dans ce détroit de 1999 à 2012. On l'écoute ensemble, Laurent Geoffrin, et on se retrouve ensuite. Bonjour Aidé Sabéran. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondante dans le Nord-Pas-de-Calais pour le journal Libération et auteur du livre intitulé « Ceux qui passent », résultat de 12 ans d'enquête, je crois, et de présence sur le terrain dans le Calaisis auprès des migrants et des habitants de Sangatte et de Calais. Je voudrais rappeler aussi aux auditeurs que la majorité, l'immense majorité de ces gens qui quittent leur pays ne le font pas par plaisir. Hein. Ils viennent pas ici pour plus de confort ou pour une vie en rose, mais tout simplement pour pouvoir vivre, manger à leur faim ou ne plus subir la répression politique ou policière de leur pays. Voilà. Quel est votre souvenir de cette première visite que vous avez faite à Sangatte, dans ce hangar? Quelle image en gardez-vous quelques années plus tard? Le premier souvenir, c'est d'abord une espèce de brouhaha permanent. Et puis une odeur très caractéristique qui était un petit peu une espèce d'odeur de boue un peu. Et puis la chaleur, parce qu'on était en juin, c'était le jour dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le jour où le lendemain du jour où on a retrouvé ces 58 Chinois morts étouffés. Et le souvenir très très fort, c'était de rencontrer des familles, des enfants. Et des enfants, un enfant notamment, je me souviens d'un enfant de 4 ans, dont le père m'expliquait qu'il était silencieux la nuit dans le camion parce qu'il savait qu'il allait aller passer de l'autre côté et aller dans un pays où il pourrait se tenir debout sur ses deux jambes. Je me souviens très bien de cette phrase qui m'avait énormément marquée, parce que je me demandais bien comment on pouvait arriver à faire taire un enfant la nuit dans un camion. Évidemment, il fallait se taire pour ne pas éveiller les soupçons. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils vous disaient, les raisons pour lesquelles ils avaient fui leur pays? Alors lui était iranien, c'était un imprimeur qui avait imprimé des tracts interdits, et des livres interdits. Mais pour les autres, majoritairement dans le camp de Sangatte à l'époque, vous aviez des Afghans qui fuyaient la guerre, une guerre. Un des personnages qui a été interviewé tout à l'heure à l'époque disait 25 ans de guerre, mais voilà, ça continue. Et des Kurdes, beaucoup de Kurdes d'Irak qui fuyaient également les conflits qui suivaient. La deuxième guerre du Golfe. Alors, à l'époque, on parlait de la Grande-Bretagne, parce que tous ces gens donc voulaient aller en Grande-Bretagne, présenté pour eux comme un Eldorado. Il était réel ou fantasmé? Il était un peu des deux, c'est-à-dire que il y avait effectivement quelque chose de très réel qui était que vous aviez un accueil, vous saviez que quand vous passiez de l'autre côté, vous aviez un toit, vous aviez accès à une maison, à des coupons pour pouvoir vous nourrir, des coupons de nourriture, un tout petit pécule minuscule, et donc voilà, les gens savaient que une fois arrivés de l'autre côté, ils seraient reçus quelque part, ce qui n'était pas le cas en France, c'est toujours très compliqué quand vous demandez l'asile. Vous avez beaucoup de chances, de malchances de vous retrouver à la rue malgré tout, malgré votre demande d'asile. Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Je voudrais relever le fait que Nicolas Sarkozy se trompait tout à l'heure. Il parlait de droit au travail immédiatement en arrivant en Angleterre. Ce n'était pas du tout le cas déjà à l'époque. Il n'avait pas le droit de travailler. Ce qui se passait, c'est que, et toujours, c'est que quand on passe de l'autre côté, on peut facilement, un peu moins aujourd'hui parce que c'est la crise, trouver du travail au noir. Cette histoire est une histoire avant tout humaine. À Sangatte, pendant ces 3 ans d'existence du centre d'accueil, il y a eu des réactions évidemment différentes de la part des habitants, soit le rejet, soit l'aide. On a entendu une personne tout à l'heure, très émouvante dans ce qu'elle disait, elle s'appelait Mireille. Vous l'avez entendue également. Je la connais. Vous la connaissez, voilà. Bien sûr, oui, j'ai aussi fait un grand papier sur elle dans Libération. Et sa voix traduit, j'imagine, la personne qu'elle est, la façon dont elle parle avec le cœur. Vraiment, c'est le cœur qui parle plus qu'une voix. Est-ce qu'ils ont été nombreux, ces habitants, à réagir comme ça? Non, pas très nombreux, mais assez tenaces pour beaucoup d'entre eux. Et beaucoup ont fini par s'épuiser. Je pense qu'aujourd'hui, Mireille ne fait plus ça. Le temps passe, les années passent, et c'est très difficile de tenir sur la longueur. Ils en sont d'autant plus admirables, d'ailleurs. Bien sûr. Et l'immigrant, de leur côté, quels étaient leurs sentiments par rapport à la population française ? Toujours, aujourd'hui, quand on leur pose la question, ils disent « En France, les gens sont gentils, mais la police ne l'est pas ». Ils ne se rendent pas très bien compte qu'une partie des habitants ne leur est pas si favorable. En fait, comme ils sont en contact avec des Français qui les aident, ils ont une vision très idéalisée des habitants, mais pas du tout des institutions, de l'État, de la police. Ils n'ont pas spécialement envie de rester en France parce que ça se passe mal avec les policiers. Voilà, c'était Aïdé Sabéran, journaliste correspondante à Libération dans le Nord-Pas-de-Calais, Libération que vous dirigez, Laurent Geoffrin. Alors, moi je rappelle 2 chiffres qui nous rappellent la situation réelle des migrants et réfugiés d'aujourd'hui. 430 000 personnes ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. 2800 d'entre elles ont péri ou disparu. Alors, la découverte du corps de cet enfant kurde, justement, sur une plage de Turquie, Laurent Geoffrin, pensez-vous qu'elle a changé le regard des Européens, à la fois des citoyens et des dirigeants, sur les causes des flux migratoires d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a pris un peu plus conscience que ceux qui viennent chez nous fuient leur pays et qui sont dans une situation de désespoir et d'urgence? Mieux qu'avant, ça a touché l'opinion. Par contre, les gens qui disent c'est la photo qui a tout changé, c'est pas exact ça. C'est que, par exemple, Jean-Claude Juncker, il avait alerté depuis des semaines. Ou si je parle de mon journal, parlons-en, on a fait au moins 6, 7 une depuis le mois de juin, sur cette question, pour dire que ça avait changé de dimension, changé de nature, que c'était une crise historique, et qu'on ne pouvait plus appliquer les mêmes politiques migratoires que celles qu'on appliquait auparavant. Donc les responsables, ceux qui sont en contact de ces dossiers, n'ont pas attendu la photo pour s'inquiéter ou pour essayer d'alerter les gens. En revanche, ça a touché l'opinion, mais en bien. Là aussi, pourquoi cette photo a touché? D'abord, elle est très forte, elle est dramatique. Et deuxièmement, le petit enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Eh oui. Il est malheureusement dans la pose d'un petit enfant qui dort dans une chambre. Donc ça, tout le monde s'identifie. Et y a les beaux esprits disent oui, mais il ne faut pas s'arrêter à l'émotion. C'est des bêtises. Il faut bien, à un moment, on est humain, c'est ce que disait Mireille. On est humain, donc on est ému par une photo, c'est un peu normal, c'est la moindre des choses. Et heureusement, imaginez qu'on ait publié cette photo et que tous les gens ont dit on s'en fout, c'est pas grave, on n'en veut pas, dehors, qui crève, on serait bien là. Hein. Bon, donc la photo a joué un rôle positif. Alors, en revanche, elle n'a pas généré forcément des solutions efficaces. Alors effectivement, il y a eu cette émotion, et puis l'Allemagne donc a dit... On va en accueillir 800 000, on en a parlé tout à l'heure. L'Allemagne qui ferme des frontières aujourd'hui avec l'Autriche, d'autres pays ferment des frontières à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'espace Schengen. Est-ce que ça veut dire que c'est le début de la fin du principe de Schengen? Puisqu'on dit qu'il faut trouver d'autres politiques, d'autres réponses, est-ce que ça passe par là et est-ce que ça doit passer par là? Si la fin de Schengen, ça veut dire qu'on rétablit les frontières nationales. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Certainement pas. Les anti-européens veulent ça. Hein, pas seulement le Front National, les gens qui disent, il y en a marre, on rétablit notre souveraineté, au fond, à l'entrée de notre territoire. C'est chez nous, on contrôle. Mais on va tout morceler l'Europe, à ce moment-là. On va remorceler l'Europe. Et donc, on va tourner le dos à cette entreprise historique, qui est quand même bénéfique, qui fait qu'on unifie le continent, ce qui, au moins, nous écarte tout danger de guerre. C'est quand même pas mal, à l'échelle de l'histoire, c'est une performance unique. ce qu'on est en train de faire en Europe. Les gens oublient toujours ça. Il y a toujours eu des guerres en Europe, sauf depuis 1945, enfin depuis, et depuis qu'on a créé cette Union européenne. Ah, l'Europe, l'Europe des pères de l'Europe a été fondée là-dessus. Schuman, Monnet, et compagnie, c'est plus de guerre. Il n'y avait pas encore circulation libre. Non, mais c'est plus de guerre. Mais bon, l'esprit de Schengen, c'est ça. Y a pas, les fronts, on passe d'un pays à l'autre librement. Ça ne veut pas dire qu'on rentre librement en Europe, et ça ne veut pas dire non plus, il y a des confusions là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on s'installe où on veut, hein. Pas du tout. Les gens disent, oui, mais ils vont en Allemagne, bien, ils vont venir en France. Oui, ils vont passer la frontière, vu qu'il n'y en a plus. Mais ils vont pas forcément s'installer, parce qu'ils n'auront pas le droit. Il faut avoir des papiers pour s'installer légalement en France. Et les gens disent, oui, mais c'est pareil, avec ou sans papier. Pas du tout. Quand on n'a pas de papier, on est à la merci des contrôles d'identité. Donc on vit constamment dans la crainte, on évite la police, on essaye de raser les murs, etc. C'est pas une vie très, très, très marrante. Hein. Et par ailleurs, Schengen, les Allemands ont argué d'une situation exceptionnelle que tout le monde voit. C'est une évidence. Or, les situations exceptionnelles sont prévues dans le traité de Schengen. Donc les gens qui disent c'est la fin de Schengen, non, c'est prévu dans le traité. Hey. Ils ont le droit de prendre des mesures évidemment, provisoires. Si ça dure et si ça s'étend aux autres frontières, là d'accord, on aura remis en question le traité. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est une exception qui est prévue dans le traité. Alors, exception dans la philosophie du traité, la Hongrie, qui fait partie de l'Europe depuis 2004, hein, moi c'est une bêtise, en 2004, elle est entrée avec d'autres pays dans l'Europe. Alors, la frontière physique, les barbelés que les Hongrois mettent avec la frontière serbe, c'est ça autrichienne, non. Ces barbelés qui sont mis, c'est une frontière idéologique aussi, c'est pas qu'une frontière physique, c'est pas qu'une frontière de barbelés, donc c'est qui est Orban. On sait ce qu'il pense. Est-ce que ça pourrait pas être un mauvais exemple? Orban est un homme politique très à droite. Bah, il a été élu. Hein, donc, ah, il a été élu. Non, il est à droite. Très à droite. Et les pays ex-pays de l'Est ont une vision du mélange qui n'est pas la nôtre. Même si en France aussi, il y a des gens intolérants. Mais eux, ils pensent qu'il faut garder l'unité ethnique, religieuse, etc. Donc ils ne veulent pas de musulmans. Ils l'ont dit d'ailleurs. Bien les chrétiens, pas de musulmans. C'est bon. Je trouve qu'ils sont un peu paradoxaux parce que quand on a fait l'élargissement, on aurait pu ne pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Vous êtes fous. On va pas élargir indéfiniment la frontière de l'Europe. On ne pourra plus gouverner. On va être trop nombreux. C'est impossible. » En plus, ils sont beaucoup plus pauvres. Donc, ça va créer des... Et ensuite, les gens ont dit, et ça s'est produit, il va y en avoir beaucoup qui vont venir à l'ouest de l'Europe. À partir de l'est de l'Europe, où il y a moins de travail, moins de perspectives, ils vont venir à l'ouest. Ce qu'ils ont fait. Il y a des millions qui sont venus. Est-ce qu'on a mis des frontières, des barbelés, nous? Ben non. Alors, nous on les laisse venir. Enfin, on est même content qu'ils viennent hein, globalement. Et là-dessus, quand eux ils sont soumis à la même chose, alors ils disent non. C'est la philosophie. C'est la philosophie européenne. En termes diplomatiques, il y a un paradoxe là-dedans. Alors, Laurent, enfin, il nous reste que 30 secondes. Ça passe une vitesse folle. Il y a un autre argument qui dit voilà, par exemple, en ce moment, la majorité des migrants viennent de Syrie, évidemment, puisqu'ils subissent les tourments actuels. Et on se dit bah attaquons-nous à la cause de l'immigration. Il faut intervenir en Syrie. Bon, on a 15 secondes. C'est un grand débat, mais en 15 secondes, je veux dire ce qu'il faut faire. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais il y a un paradoxe là aussi. On dit, on est intervenu, c'était une catastrophe. En Syrie, on n'est pas intervenu. Et c'est une catastrophe. Ouais. Donc, si on arrive, par la pression, on va pas arriver par les bonnes paroles, à mettre un peu à la raison le régime de Damas, Assad, et à faire en sorte qu'il y ait une sorte de compromis, en tout cas de cesser le feu avec ses adversaires, ce sera un progrès très important. À condition, évidemment, d'affaiblir autant que possible, et le plus possible, l'enclave Daesh, ce sont des gens impossibles, ceux-là. Donc, il faut frapper Daesh, à mon avis, et ensuite essayer de trouver un compromis avec entre les différentes factions syriennes. Merci, Laurent Joffre. On se retrouve dans 15 jours pour un partenariat avec Libération, puis avec vous dans un mois pour un autre sujet, un sujet avec très plaisir, franco-français. Mon cher Fabrice. Merci, Laurent. À bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Sangat et la crise migratoire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le dossier Wikileaks, très sensible lui aussi.